Yeah. F. Elle a moi. Aïe. Boum. Hello, papi, mais qu'est bazar. J'entends des bails atroces sur moi. À ce qu'il paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Ouais. Mais comment ça? Demande des types. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Baby girl, I know they play games. Let me be your, let me be your man. Give me some time to prove myself. I gon' love you more than anyone else. We got before, nana. I want to hold you close, nana. Me not come and go, nana. Come and go, nana, nana. Mad. Just for me, girl. When you want me, girl, I no be jaja, oh. Mad. You know that I got you, girl. I no be criminal, I no be jaja, oh. Putain, mais tu déconnes. Yeah, yeah. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. En katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. Dans mes doigts. En katana, baby, tu dettes ça. En katana, baby. En katana, baby, tu dettes ça. En katana, baby.